Chant numéro 14. Qui donc est celui-ci qui fait le tour du mont avant que de sa main la mort ne l'ait poussé, et qui, comme il veut, baisse et soulève les cils? Je ne le connais pas. J'entends qu'il n'est pas seul, mais demande-le lui, puisqu'il est près de toi. Prends-le doucement pour le faire parler. Ainsi disaient plus loin deux âmes, se penchant l'une vers l'autre, à droite et au-delà de nous. Puis, levant le visage afin de me parler, l'une d'elles me dit « Âme qui va ainsi vers le ciel, en gardant tous les liens du corps, veuille par charité nous consoler et dire d'où viens-tu, qui fus-tu, car tu nous as produit un émerveillement plus grand avec ta grâce que nul autre miracle auparavant connu. » Lors je dis, au milieu de la Toscane, passe un cours d'eau qui commence auprès de Falterone, et parcourt pour le moins 100 000 de chemin. J'apporte de ses bords cette chair que voici. De dire qui je suis, c'est parler sans rien dire, puisque jusqu'à présent, mon nom n'est pas connu. Si mon intelligence arrive à bien saisir le sens de ton discours, me répondit alors le premier des esprits, tu parles de l'Arnaud. Et l'autre d'ajouter, mais pourquoi donc cet homme aime-t-il mieux cacher le nom de la rivière, comme s'il s'agissait d'un objet répugnant? L'ombre à qui paraissait s'adresser la demande répliqua, je ne sais, mais il me semble juste que le nom d'un tel fleuve à jamais disparaisse, puisque, depuis sa source, où la chaîne des monts, dont se détache au bout Pélore, s'enfle et croît si haut que peu d'endroits pourraient le dépasser, et jusqu'à l'embouchure où la mer récupère l'élément que le ciel sèche de sa surface et qui forme le corps de toutes les rivières, on fuit comme un serpent la vertu que l'on tient pour ennemi à cause ou bien d'un maléfice qui s'attache à ces lieux ou des mauvaises mœurs, finissant par changer tellement la nature de tous les habitants de ces tristes vallées qu'on dirait que leur pâtre est la même Circé. Parmi des sales porcs, à qui les glands conviennent mieux que nul aliment conçu pour les humains, il dirige d'abord son modeste chemin. Plus loin, en descendant, il trouve des roquets qui savent aboyer plus qu'ils ne peuvent mordre, et il détourne d'eux son museau par dédain. Il s'enfonce plus bas, et plus il devient gros, plus il y voit les chiens se transformer en loups, cet égout de malheur et malédiction. Lorsqu'il arrive enfin aux terres les plus basses, il trouve des renards remplis de telles fourbes qu'aucun engin connu ne les peut attraper. Je ne laisserai pas de dire, et qu'on m'entende, cet homme fera bien de ne pas oublier plus tard ce que l'esprit de vérité m'inspire. Je vois ton petit-fils en train de devenir le chasseur de ces loups, là-bas, sur les bords mêmes de ce fleuve sauvage, et les maîtres à bois. Il me semble le voir qui vend leur chair sur pied, en fauve qui connaît son métier, et les tue, et les privant de vie, il se prive d'honneur. Il sort rempli de sang de la triste forêt, qu'il laisse en tel état, que même dans 1000 ans, on ne la pourra plus reboiser comme avant. Comme lorsqu'on prédit des dommages prochains, celui qui les écoute en demeure accablé, quel que soit le danger qui peut le menacer, tel je vis l'autre esprit, qui s'était retourné, afin d'entendre mieux, frémir et se troubler, sitôt qu'il entendit la fin de ce discours. Les paroles de l'un et le maintien de l'autre me rendaient curieux de connaître leurs noms, que je leur demandais, les priant humblement. Celui qui le premier venait de me parler répondit « Ainsi donc, tu voudrais que pour toi, je fasse ce que toi, tu n'as pas fait pour nous. Mais du moment où Dieu fait resplendir en toi de sa grâce l'éclat, je ne serai pas chiche. Apprends donc que mon nom est Guido del Duca. » Une si rude envie empoisonnait mon sang que, dès que j'observais des signes d'allégresse chez quelqu'un, l'on voyait mon visage pâlir. De ce que j'ai semé, tu peux voir la moisson. Ô genre humain, pourquoi choisis-tu tes plaisirs de façon à tenir les autres à l'écart? Celui-ci s'est régné, l'ornement et l'honneur des Calboli, maison dont aucun descendant n'a su, depuis sa mort, hériter ses vertus. Des montagnes au Pô, de la mer à Renault, son sang n'est pas le seul où se soit délayé ce bien qui nous acquiert le bonheur et le vrai. Puisque de bout en bout, la terre est envahie de plantons vénéneux, et ce n'est qu'à grande peine qu'on peut, par le labeur, les en faire arracher. Où sont le bon Lizio et Arrigo Mainardi, Pierre Traversaro et Guido de Carpigna? Vous êtes devenus romagnols des bâtards. Quand verra-t-on encore un Fabro dans Bologne, ou bien un Bernardin di Fosco dans Faïence, la grande et noble plante aux graines avortées? Ne sois pas étonné si je pleure au Toscan, lorsque je me souviens de Guido de Prata et d'Ugolin d'Azzo, qui furent de mon temps. Frédéric le Teigneux, avec tous ses amis, la maison Traversara et les Anastagi, dont les deux noms se sont pareillement éteints. Dames et chevaliers, plaisir et aventure, qu'amour et courtoisie à l'envie nous offraient, au pays où les cœurs sont devenus bâtards. Pourquoi, Bretinoro, ne disparais-tu pas, puisque s'en sont allés tes anciens châtelains, avec beaucoup des leurs, pour mourir sans déchoir? Bagnacaval fait bien de ne plus engendrer, Castrocaro fait mal, Cognopi encore, qui vont perpétuer la race de tels contes. Les pagans feraient mieux d'arrêter, quand leur diable aura fini son temps, mais sans que pour autant on garde jamais d'eux un meilleur souvenir. Pour toi-même, Ugolin de Fantolin, ton nom ne redoute plus rien, car personne ne reste qui puisse l'obscurcir par quelque fort lignage. Mais va-t'en maintenant, Toscan, quoique les larmes, bien plus que les discours, sont faites pour me plaire, tellement ces propos m'ont opprimé le cœur. Nous savions tous les deux que ces esprits aimés nous entendaient marcher. Ce fut donc leur silence qui nous vint confirmer le choix de notre route. À peine avions-nous fait quelques pas au-delà, que soudain, fendant l'air plus vite que la foudre, une voix résonna puissamment devant nous. « Quiconque me saisit pourra me mettre à mort !» s'effaçant aussitôt comme un coup de tonnerre qui roule tout à coup à travers les nuages. Son bruit s'était à peine éteint dans mes oreilles qu'une autre voix survint, dans un si grand fracas qu'on eût dit qu'un tonnerre avait roulé deux fois. « Je suis, dit-elle, Aglaure, et je devins rocher !» Et lors, pour me serrer de plus près au poète, je fis un pas à droite au lieu de m'avancer. Mais déjà l'air semblait se calmer de partout, et il me dit alors « C'est là le frein terrible qui devrait maintenir les hommes dans leurs bornes. Mais on mord à la pas, et l'antique ennemi vous prend à l'hameçon et vous tire vers lui. Et alors, à quoi bon le frein ou bien la peau? Le ciel qui vous appelle est au-dessus des têtes pour mieux vous faire voir ses beautés éternelles. Et pourtant, vos regards ne quittent pas la terre. C'est pourquoi vous punit celui qui connaît tout. »